Itinéraire de Paris à Jérusalem, 1806, de François-Auguste René, vicomte de Châteaubriant, 1768-1848. Première publication en 1811. Édition Furne et Compagnie de 1865. Markhemd'Anarchiv.org. Le texte est adapté à la lecture en synthèse vocale, les passages en italien, en latin et les mots écrits en grec sont traduits ou supprimés. Licence Creative Commons. Pas d'utilisation commerciale. Partage à l'identique. Quatrième partie. Voyage de Jérusalem. Je m'occupais pendant quelques heures à crayonner des notes sur les lieux que je venais de voir, manière de vivre que je suivis tout le temps que je demeurais à Jérusalem, courant le jour et écrivant la nuit. Le père procureur entra chez moi le 7 octobre de très grand matin. Il m'apprit la suite des démêlés du pacha et du père gardien. Nous convînmes de ce que nous avions à faire. On envoya mes firmans à Abdallah. Il s'emporta, cria, menaça, et finit cependant par exiger des religieux une somme un peu moins considérable. Je regrette bien de ne pouvoir donner la copie d'une lettre écrite par le père Bonaventure de Nola à monsieur le général Sebastiani. Je tiens cette copie du père Bonaventure lui-même. On y verrait, avec l'histoire du pacha, des choses aussi honorables pour la France que pour monsieur le général Sebastiani. Mais je ne pourrais publier cette lettre sans la permission de celui à qui elle est écrite, et malheureusement l'absence du général m'ôte au moyen d'obtenir cette permission. Il fallait tout le désir que j'avais d'être utile au Père de Terre Sainte pour m'occuper d'autre chose que de visiter le Saint-Sépulcre. Je sortis du couvent le même jour, à 9h du matin, accompagné de deux religieux, d'un drogman, de mon domestique et d'un janissaire. Je me rendis à pied à l'église qui renferme le tombeau de Jésus-Christ. Tous les voyageurs ont décrit cette église, la plus vénérable de la terre, soit que l'on pense en philosophe ou en chrétien. Ici j'éprouve un véritable embarras. Dois-je offrir la peinture exacte des lieux saints? Mais alors je ne puis que répéter ce que l'on a dit avant moi. Jamais sujet ne fut peut-être moins connu des lecteurs modernes, et toutefois jamais sujet ne fut plus complètement épuisé. Dois-je omettre le tableau de ces lieux sacrés? Mais ne sera-ce pas enlever la partie la plus essentielle de mon voyage, et en faire disparaître ce qui en est la fin et le but? Après avoir balancé longtemps, je me suis déterminé à décrire les principales stations de Jérusalem, par les considérations suivantes. Premièrement, personne ne lit aujourd'hui les anciens pèlerinages à Jérusalem, et ce qui est très usé paraîtra vraisemblablement tout neuf à la plupart des lecteurs. Deuxièmement, l'église du Saint-Sépulcre n'existe plus. Elle a été incendiée de fond en comble depuis mon retour de Judée. Je suis, pour ainsi dire, le dernier voyageur qui l'ait vu, et j'en serai par cette raison même le dernier historien. Mais comme je n'ai point la prétention de refaire un tableau déjà très bien fait, je profiterai des travaux de mes devanciers, prenant soin seulement de les éclaircir par des observations. Parmi ces travaux, j'aurais choisi de préférence ceux des voyageurs protestants, à cause de l'esprit du siècle. Nous sommes toujours prêts à rejeter aujourd'hui ce que nous croyons sortir d'une source trop religieuse. Malheureusement, je n'ai rien trouvé de satisfaisant sur le Saint-Sépulcre dans Pocock, Chauet, Mondrel, Asselkist et quelques autres. Les savants et les voyageurs qui ont écrit en latin touchant les antiquités de Jérusalem, tels que Adamanus, Bède, Brocard, Wibaldus, Bredenbach, Sanute, Ludolf, relant, son ouvrage, Palestina ex monumentis veteribus illustrata, est un miracle d'érudition. Adricomius. Caresmiu, Baumgarten, Fureri, Bochard, Ariamontanus, Rodwisch, Ez, Kotovic, sa description du Saint-Sépulcre va jusqu'à donner en entier les hymnes que tes pèlerins chantent à chaque station, m'obligerait à des traductions qui, en dernier résultat, n'apprendraient rien de nouveau au lecteur. Note. Il y a aussi une description de Jérusalem en arménien, et une autre en grec moderne. J'ai vu la dernière. Les descriptions très anciennes, comme celle de Sanu de Ludolf, de Brocard, de Bredenbach, de Wilbaldus ou Guillebeau, d'Adamanus, ou plutôt d'Arculf, et du vénérable Bède, sont curieuses, parce qu'en les lisant on peut juger des changements survenus depuis à l'église du Saint-Sépulcre. Mais elles seraient inutiles quant aux monuments modernes. Je m'en suis donc tenu aux voyageurs français. De Vera, en espagnol, est très concis, et pourtant très clair. Zualar, Zualardo, en italien, est confus et vague. Pierre de la Vallée est charmant, à cause de la grâce particulière de son style et de ses singulières aventures, mais il ne fait point autorité. Et parmi ces voyageurs français, j'ai donc préféré la description du Saint-Sépulcre par des. Voici pourquoi, Bellon, 1550, assez célèbre d'ailleurs comme naturaliste, dit à peine un mot du Saint-Sépulcre. Son style en outre a trop vieilli. D'autres auteurs plus anciens encore que lui, ou ses contemporains, tels que Cachernois, 1490, Regnault, 1522, Salignac, 1522, Le Huen, 1525, Gassot, 1536, Renaud, 1548, Postel, 1553, Giraudet, 1575, se servent également d'une langue trop éloignée de celle que nous parlons. Note. Quelques-uns de ces auteurs ont écrit en latin, mais on a d'anciennes versions françaises de leurs ouvrages. Fin de la note. Villamont, 1588, se noie dans les détails, et il n'a ni méthode ni critique. Le père Boucher, 1610, est si pieusement exagéré, qu'il est impossible de le citer. Benard, 1616, écrit avec assez de sagesse, quoiqu'il n'eût que 20 ans à l'époque de son voyage, mais il est diffus, plat et obscur. Le père Pacifique, 1622, est vulgaire, et sa narration est trop abrégée. Monconis, 1647, ne s'occupe que de recettes de médecine. Doubdan, 1651, est clair, savant, très digne d'être consulté, mais long et sujet à s'apesantir sur les petites choses. Le frère Roger 1653, attaché pendant 5 années au service des lieux saints, a de la science, de la critique, un style vif et animé, sa description du Saint-Sépulcre est trop longue. C'est ce qui me l'a fait exclure. Thévenot, 1656, un de nos voyageurs les plus connus, a parfaitement parlé de l'église de Saint-Sauveur, et j'engage les lecteurs à consulter son ouvrage « Voyage au Levant Gallica BNFFR », chapitre 39. Mais il ne s'éloigne guère de Dieu. Le père No, jésuite, 1674, joignit à la connaissance des langues de l'Orient l'avantage d'accomplir le voyage de Jérusalem avec le marquis de Nointel, Notre ambassadeur à Constantinople est le même à qui nous devons les premiers dessins d'Athènes. C'est bien dommage que le savant jésuite soit d'une intolérable prolixité. La lettre du père Néret, dans les lettres édifiantes, est excellente de tout point, mais est le maître de choses. J'en dis autant de du Loiret de la Roque, 1688. Quant aux voyageurs tout à fait modernes, Müller, Van Zouw, Kortscheider, Mariti, Volney, Niebuhr, Braun, ils se taisent presque entièrement sur les saints lieux. Dès 1621, envoyé par Louis XIII en Palestine, m'a donc paru mériter qu'on s'attachât à son récit. Premièrement, parce que les Turcs s'empressèrent de montrer eux-mêmes Jérusalem à cet ambassadeur, et qu'ils seraient entrés jusque dans la mosquée du Temple, s'ils l'avaient voulu. Deuxièmement, parce qu'il est si clair et si précis dans le style un peu vieilli de son secrétaire, que Paul Lucas l'a copié mot à mot, sans avertir du plagiat, selon sa coutume. Troisièmement parce que Danville, et c'est la raison péremptoire, a pris la carte de Day pour l'objet d'une dissertation, qui est peut-être le chef-d'œuvre de notre célèbre géographe. C'était l'opinion du savant monsieur de Sainte-Croix. La dissertation de Danville porte le titre de dissertation sur l'étendue de l'ancienne Jérusalem. Elle est fort rare, mais je la donne à la fin de cet itinéraire. Day va nous donner ainsi le matériel de l'église du Saint-Sépulcre. J'y joindrai ensuite mes observations. Je n'ai point rejeté dans les notes à la fin du volume cette longue citation de Day, parce qu'elle est trop importante, et que son déplacement rendrait ensuite inintelligible ce que je dis moi-même de l'église du Saint-Sépulcre. Le Saint-Sépulcre et la plupart des saints lieux sont servis par des religieux cordeliers qui y sont envoyés de 3 ans en 3 ans, et, encore qu'il y en ait de toute nation, ils passent néanmoins tous pour Français, ou pour Vénitiens, et ne subsistent que parce qu'ils sont sous la protection du roi. Il y a près de 60 ans qu'ils demeurent hors de la ville, sur le mont de Sion, au même lieu où notre Seigneur fit la scène avec ses apôtres, mais leur église ayant été convertie en mosquée, ils ont toujours depuis demeuré dans la ville sur le mont Sion, où est leur couvent que l'on appelle Saint-Sauveur. C'est tout leur gardien demeure avec le corps de la famille, qui pourvoit de religion tous les lieux de la Terre Sainte, où il est besoin qu'il y en ait. L'église du Saint-Sépulcre n'est éloignée de ce couvent que de 200 pas. Elle comprend le Saint-Sépulcre, le Mont Calvaire, et plusieurs autres lieux saints. Ce fut Sainte Hélène qui en fit bâtir une partie pour couvrir le Saint-Sépulcre. Mais les princes chrétiens qui vinrent après la firent augmenter pour y comprendre le Mont Calvaire, qui n'est qu'à 50 pas du Saint-Sépulcre. Anciennement le mont Calvaire était hors de la ville, ainsi que je l'ai déjà dit. C'était le lieu où l'on exécutait les criminels condamnés à mort. Et, afin que tout le peuple y pût assister, il y avait une grande place entre le mont et la muraille de la ville. Le reste du mont était environné de jardins, dont l'un appartenait à Joseph d'Arimathie, disciple secret de Jésus-Christ, où il avait fait faire un sépulcre pour lui, dans lequel fut mis le corps de notre Seigneur. La coutume parmi les Juifs n'était pas d'enterrer les corps comme nous faisons en chrétienté. Chacun, selon ses moyens, faisait pratiquer dans quelque roche une forme de petit cabinet où l'on mettait le corps que l'on étendait sur une table du rocher même, et puis on refermait ce lieu avec une pierre que l'on mettait devant la porte, qui n'avait d'ordinaire que 4 pieds de haut. L'église du Saint-Sépulcre est fort irrégulière, car l'on s'est assujetti au lieu que l'on voulait enfermer dedans. Elle est à peu près faite en croix, ayant 6-20 pas de long, sans compter la descente de l'invention de la Sainte Croix, et 70 de large. Il y a 3 dômes, dont celui qui couvre le Saint-Sépulcre sert de nef à l'église. Il a 30 pas de diamètre, et est ouvert par haut comme la rotonde de Rome. Il est vrai qu'il n'y a point de voûte, la couverture en est soutenue seulement par de grands chevrons de cèdre, qui ont été apportés du mont Liban. L'on entrait autrefois en cette église par 3 portes, mais aujourd'hui il n'y en a plus qu'une, dont les Turcs gardent soigneusement les clés, de crainte que les pèlerins n'y entrent sans payer les 9 sequins, ou 36 livres, à quoi ils sont taxés. J'entends ceux qui viennent de chrétienté, car pour les chrétiens sujets du grand Seigneur, ils n'en paient pas la moitié. Cette porte est toujours fermée, et il n'y a qu'une petite fenêtre traversée d'un barreau de fer, par où ceux de dehors donnent des vivres à ceux qui sont dedans, lesquels sont de 8 nations différentes. La première est celle des Latins ou Romains, que représentent les religieux cordeliers. Ils gardent le Saint-Sépulcre, le lieu du Mont Calvaire où notre Seigneur fut attaché à la croix, l'endroit où la Sainte Croix fut trouvée, la pierre de l'onction, et la chapelle où notre Seigneur apparut à la Vierge après sa résurrection. La seconde nation est celle des Grecs, qui ont le cœur de l'église où ils officient, au milieu duquel il y a un petit cercle de marbre, dont ils estiment que le centre soit le milieu de la terre. La troisième nation est celle des Abyssins. Ils tiennent la chapelle où est la colonne d'un propère. La quatrième nation est celle des Coptes, qui sont les chrétiens d'Égypte. Ils ont un petit oratoire proche du Saint-Sépulcre. La cinquième est celle des Arméniens. Ils ont la chapelle de Sainte-Hélène, et celle où les habits de notre Seigneur furent partagés et joués. La sixième nation est celle des Nestoriens ou Jacobites, qui sont venus de Chaldée et de Syrie. Ils ont une petite chapelle proche du lieu où notre Seigneur apparut à la Madeleine, en forme de jardinier, qui pour cela est appelée la chapelle de la Madeleine. La septième nation est celle des Géorgiens, qui habitent entre la mer Majeure et la mer Caspienne. Ils tiennent le lieu du mont Calvaire où fut dressée la croix, et la prison où demeura notre Seigneur en attendant que l'on eût fait le trou pour la placer. La huitième nation est celle des Maronites, qui habitent le mont Liban. Ils reconnaissent le pape comme nous faisons. Chaque nation, outre ces lieux que tous ceux qui sont dedans peuvent visiter, a encore quelque endroit particulier dans les voûtes et dans les coins de cette église qui lui sert de retraite, et où elle fait l'office selon son usage. Car les prêtres et religieux qui entrent demeurent d'ordinaire 2 mois sans en sortir jusqu'à ce que du couvent qu'ils ont dans la ville on y en envoie d'autres pour servir en leur place. Il serait malaisé d'y demeurer longuement sans être malade, parce qu'il y a fort peu d'air, et que les voûtes et les murailles rendent une fraîcheur assez malsaine. Néanmoins nous y trouvâmes un bon ermite, qui a pris l'habit de Saint François, qui a demeuré 20 ans sans en sortir, encore qu'il y ait tellement à travailler, pour entretenir 200 lampes, et pour nettoyer et parer tous les lieux saints, qu'il ne saurait reposer plus de 4 heures par jour. En entrant dans l'église on rencontre la pierre de l'onction, sur laquelle le corps de notre Seigneur fut oint de myrrhe d'aloès avant que d'être remis dans le sépulcre. Quelques-uns disent qu'elle est du même rocher du mont Calvaire, et les autres tiennent qu'elle fut apportée dans ce lieu par Joseph et Nicodème, disciples secrets de Jésus-Christ, qui lui rendirent ce pieux office, et qu'elle tire sur le verre. Quoi qu'il en soit, À cause de l'indiscrétion de quelques pèlerins qui la rompaient, l'on a été contraint de la couvrir de marbre blanc et de l'entourer d'un petit balustre de fer, de peur que l'on ne marche dessus. Elle a 8 pieds moins 3 pouces de long, et 2 pieds moins 1 pouce de large, et au-dessus il y a 8 lampes qui brûlent continuellement. Le Saint-Sépulcre est à 30 pas de cette pierre, justement au milieu du grand dôme dont j'ai parlé. C'est comme un petit cabinet qui a été creusé et pratiqué dans une roche vive, à la pointe du ciseau. La porte qui regarde l'Orient n'a que 4 pieds de haut et 2 1/4 de large, de sorte qu'il se faut grandement baisser pour y entrer. Le dedans du sépulcre est presque carré. Il a 6 pieds moins 1 pouce de long, et 6 pieds moins 2 pouces de large, et depuis le bas jusqu'à la voûte, 8 pieds 1 pouce. Il y a une table solide de la même pierre qui fut laissée en creusant le reste. Elle a 2 pieds 4 pouces et demi de haut, et contient la moitié du sépulcre. Car elle a 6 pieds moins 1 pouce de long, et 2 pieds 2 tiers et demi de large. Ce fut sur cette table que le corps de notre Seigneur fut mis, ayant la tête vers l'Occident et les pieds à l'Orient. Mais, à cause de la superstitieuse dévotion des Orientaux, qui croient qu'ayant laissé leurs cheveux sur cette pierre, Dieu ne les abandonnerait jamais, et aussi parce que les pèlerins en rompaient des morceaux, l'on a été contraint de la couvrir de marbre blanc sur lequel on célèbre aujourd'hui la messe. Il y a continuellement 44 lampes qui brûlent dans ce saint lieu, et afin d'en faire exhaler la fumée, l'on a fait 3 trous à la voûte. Le dehors du sépulcre est aussi revêtu de tables de marbre et de plusieurs colonnes, avec un dôme au-dessus. À l'entrée de la porte du sépulcre, il y a une pierre d'un pied et demi en carré, et relevée d'un pied qui est du même roc, laquelle servait pour appuyer la grosse pierre qui bouchait la porte du sépulcre. C'était sur cette pierre qu'était l'ange lorsqu'il parla au Marie. Et, tant à cause de ce mystère que pour ne pas entrer d'abord dans le Saint-Sépulcre, les premiers chrétiens firent une petite chapelle au devant, qui est appelée la chapelle de l'ange. À 12 pas du Saint-Sépulcre, en tirant vers le septentrion, l'on rencontre une grande pierre de marbre gris, qui peut avoir 4 pieds de diamètre, que l'on a mise là pour marquer le lieu où notre Seigneur se fit voir à la Madeleine, en forme de jardinier. Plus avant est la chapelle de l'Apparition, où l'on tient par tradition que notre Seigneur apparut premièrement à la Vierge, après sa résurrection. C'est le lieu où les religieux cordeliers font leur office, et où ils se retirent, car de là ils entrent en des chambres qui n'ont point d'autre issue que par cette chapelle. Continuant à faire le tour de l'église, l'on trouve une petite chapelle voûtée, qui a 7 pieds de long et 6 de large, que l'on appelle autrement la prison de notre Seigneur, parce qu'il fut mis dans ce lieu en attendant que l'on eût fait le trou pour planter la croix. Cette chapelle est à l'opposite du mont de Calvaire, de sorte que ces deux lieux sont comme la croisée de l'église, car le mont est au midi et la chapelle au septentrion. Assez proche de là est une autre chapelle de 5 pas de long et de 3 de large, qui est au même lieu où notre Seigneur fut dépouillé par les soldats avant que d'être attaché à la croix, et où ses vêtements furent joués et partagés. En sortant de cette chapelle, on rencontre à main gauche un grand escalier qui perce la muraille de l'église pour descendre dans une espèce de cave qui est creusée dans le roc. Après avoir descendu 30 marches, il y a une chapelle, à main gauche, que l'on appelle vulgairement la chapelle Sainte-Hélène, à cause qu'elle était là en prière pendant qu'elle faisait chercher la Sainte Croix. L'on descend encore 11 marches jusqu'à l'endroit où elle fut trouvée avec les clous, La couronne d'épines et le fer de la lance, qui avaient été cachés en ce lieu plus de 300 ans. Proche du haut de ce degré, en tirant vers le mont de Calvaire, est une chapelle qui a 4 pas de long et 2,5 de large, sous l'autel de laquelle l'on voit une colonne de marbre gris, marquetée de taches noires, qui a 2 pieds de haut et 1 de diamètre. Elle est appelée la colonne de l'Mpropère, parce que l'on y fit asseoir notre Seigneur pour le couronner d'épines. L'on rencontre à 10 pas de cette chapelle un petit degré fort étroit, dont les marches sont de bois au commencement et de pierre à la fin. Il y en a 20 en tout, par lesquelles on va sur le mont du Calvaire. Ce lieu, qui était autrefois si ignominieux, ayant été sanctifié par le sang de notre Seigneur, les premiers chrétiens en eurent un soin particulier, et, après avoir ôté toutes les immondices et toute la terre qui était dessus, ils l'enfermèrent de murailles, de sorte que c'est à présent comme une chapelle haute, qui est enclose dans cette grande église. Elle est revêtue de marbre par dedans, et séparée en 2 par une arcade. Ce qui est vers le septentrion est l'endroit où notre Seigneur fut attaché à la croix. Il y a toujours 32 lampes ardentes, qui sont entretenues par les cordeliers, qui célèbrent aussi tous les jours la messe en ce saint lieu. En l'autre partie qui est au midi fut plantée la Sainte Croix. On voit encore le trou qui est creusé dans le roc environ 1,5 pied, outre la terre qui était dessus. Le lieu où étaient les croix des 2 larrons est proche de là. Celle du bon larron était au septentrion et l'autre au midi, de manière que le premier était à la main droite de notre Seigneur, qui avait la face tournée vers l'Occident, et le dos du côté de Jérusalem, qui était à l'Orient. Il y a continuellement 50 lampes ardentes pour honorer ce saint lieu. Au-dessous de cette chapelle sont les sépultures de Godefroy de Bouillon, et de Baudouin, son frère, où on lit ces inscriptions. Traduction. Ici repose le célèbre duc Godefroy de Bouillon, qui acquit toute cette contrée à la religion chrétienne, que son âme règne avec Jésus-Christ. Le roi Baudouin, autre Judas Maccabée, espoir de la patrie, appui de l'Église, vaillant soutien de l'une et de l'autre, devant lequel tremblait en lui payant tribut, Cédar et l'Égypte, Dan et l'homicide d'Amas, hélas, est enfermé dans cet étroit tombeau. Note. Outre ces 2 tombeaux on en voit 4 autres à moitié brisés. Sur 1 de ces tombeaux on lit encore, mais avec beaucoup de peine, une épitaphe rapportée par Kotovic. Fin de la note. Le mont de Calvaire est la dernière station de l'église du Saint-Sépulcre. Car à 20 pas de là l'on rencontre la pierre de l'onction, qui est justement à l'entrée de l'église. Dès ayant ainsi décrit par ordre les stations de temps de lieux vénérables, il ne me reste à présent qu'à montrer l'ensemble de ces lieux au lecteur. On voit d'abord que l'église du Saint-Sépulcre se compose de 3 églises, celle du Saint-Sépulcre, celle du Calvaire et celle de l'invention de la Sainte-Croix. L'église proprement dite du Saint-Sépulcre est bâtie dans la vallée du mont Calvaire, et sur le terrain où l'on sait que Jésus-Christ fut enseveli. Cette église forme une croix. La chapelle même du Saint-Sépulcre n'est en effet que la grande nef de l'édifice. Elle est circulaire comme le Panthéon à Rome, et ne reçoit le jour que par 1 dôme au-dessous duquel se trouve le Saint-Sépulcre. 16 colonnes de marbre ornent le pourtour de cette rotonde. Elles soutiennent, en décrivant 17 arcades, une galerie supérieure, également composée de 16 colonnes et de 17 arcades, plus petites que les colonnes et les arcades qui les portent. Des niches correspondant aux arcades s'élèvent au-dessus de la frise de la dernière galerie, et le dôme prend sa naissance sur l'arc de sa niche. Celle-ci était autrefois décorée de mosaïques représentant les 12 apôtres, Sainte Hélène, l'empereur Constantin, et 3 autres portraits inconnus. Le cœur de l'église du Saint-Sépulcre est à l'orient de la nef du tombeau. Il est double comme dans les anciennes basiliques, c'est-à-dire qu'il a d'abord une enceinte avec des stalles pour les prêtres, ensuite un sanctuaire reculé, et, élevé de 2 degrés au-dessus du premier. Autour de ce double sanctuaire régnant les ailes du cœur, et dans ces ailes sont placées les chapelles décrites par des haies. C'est aussi dans l'aile droite, derrière le cœur, que s'ouvrent les 2 escaliers qui conduisent, l'un à l'église du Calvaire, l'autre à l'église de l'Invention de la Sainte Croix. Le premier monte à la cime du Calvaire. Le second descend sous le Calvaire même. En effet, la croix fut élevée sur le sommet du Golgotha, et retrouvée sous cette montagne. Ainsi, pour nous résumer, l'église du Saint-Sépulcre est bâtie au pied du calvaire. Elle touche par sa partie orientale à ce monticule sous lequel et sur lequel on a bâti 2 autres églises, qui tiennent par des murailles et des escaliers voûtés au principal monument. L'architecture de l'église est évidemment du siècle de Constantin. L'ordre corinthien domine partout. Les piliers sont lourds ou maigres, et leur diamètre est presque toujours sans proportion avec leur hauteur. Quelques colonnes accouplées qui portent la frise du cœur sont toutefois d'un assez bon style. L'église étant haute et développée, les corniches se profilent à l'œil avec assez de grandeur, mais comme depuis environ 60 ans on a surbaissé l'arcade qui sépare le cœur de la nef, le rayon horizontal est brisé. Et l'on ne jouit plus de l'ensemble de la voûte. L'église n'a point de péristyle. On entre par 2 portes latérales. Il n'y en a plus qu'une d'ouverte. Ainsi le monument ne paraît pas avoir eu de décorations extérieures. Il est masqué d'ailleurs par les masures et par les couvents grecs qui sont accolés aux murailles. Le petit monument de marbre qui couvre le Saint-Sépulcre a la forme d'un catafalque orné d'arceaux demi-gothiques engagés dans les côtés pleins de ce catafalque. Il s'élève élégamment sous le dôme qui l'éclaire. Mais il est gâté par une chapelle massive que les Arméniens ont obtenu la permission de bâtir à l'une de ses extrémités. L'intérieur du catafalque offre un tombeau de marbre blanc fort simple, appuyé d'un côté au mur du monument, et servant d'autel aux religieux catholiques, c'est le tombeau de Jésus-Christ. L'origine de l'église du Saint-Sépulcre est d'une haute antiquité. L'auteur de l'épitome des guerres sacrées, Epitome Bellorum Sacrorum, prétend que 46 ans après la destruction de Jérusalem par Vespasien et Titus, les chrétiens obtinrent d'Adrien la permission de bâtir, ou plutôt de rebâtir un temple sur le tombeau de leur Dieu, et d'enfermer dans la nouvelle cité les autres lieux révérés des chrétiens. Il ajoute que ce temple fut agrandi et réparé par Hélène, mère de Constantin. Caresmius combat cette opinion, parce que, dit-il, les fidèles, jusqu'au règne de Constantin, n'eurent pas la permission d'élever de pareils temples. Le savant religieux oublie qu'avant la persécution de Dioclétien, les chrétiens possédaient de nombreuses églises et célébraient publiquement leurs mystères. Lactance et Eusèbe vantent à cette époque la richesse et le bonheur des fidèles. D'autres auteurs dignes de foi, Sozomène dans le second livre de son histoire, Saint Jérôme dans ses épîtres à Paulin et à Ruffin, Sévère, livre 2, Nicéphore, livre 18, et Eusèbe dans la vie de Constantin, nous apprennent que les païens entourèrent d'un mur les saints lieux, qu'ils élevèrent sur le tombeau de Jésus-Christ une statue à Jupiter, et une autre statue à Vénus sur le calvaire, qu'ils consacrèrent un bois à Adonis sur le berceau du Sauveur. Ces témoignages démontrent également l'antiquité du vrai culte à Jérusalem par la profanation même des lieux sacrés, et prouvent que les chrétiens avaient des sanctuaires dans ces lieux. Voyez le deuxième mémoire de l'introduction. Quoi qu'il en soit, la fondation de l'église du Saint-Sépulcre remonte au moins au règne de Constantin. Il nous reste une lettre de ce prince, qui ordonne à Macaire, évêque de Jérusalem, d'élever une église sur le lieu où s'accomplit le grand mystère du salut. Eusèbe nous a conservé cette lettre. L'évêque de Césarée fait ensuite la description de l'église nouvelle, dont la dédicace dura 8 jours. Si le récit d'Eusèbe avait besoin d'être appuyé par des témoignages étrangers, on aurait ceux de Cyrille, évêque de Jérusalem, Catéchèse 1, 10, 13, de Théodoret, et même de l'itinéraire de Bordeaux à Jérusalem, en 333, Ibidem, Jussu Constantinien Praetoris, Basilica Facta Est Mirae Pulchritudinis. Cette église fut ravagée par Chosroès II, roi de Perse, environ 3 siècles après qu'elle eût été bâtie par Constantin. Héraclius reconquit la vraie croix, et Modeste, évêque de Jérusalem, rétablit l'église du Saint-Sépulcre. Quelque temps après, le calife Omar s'empara de Jérusalem, mais il laissa aux chrétiens le libre exercice de leur culte. Vers l'an 1009, Hakem, qui régnait en Égypte, porta la désolation au tombeau de Jésus-Christ. Les uns veulent que la mère de ce prince, qui était chrétienne, ait fait encore relever les murs de l'église abattue. Les autres disent que le fils du calife d'Égypte, à la sollicitation de l'empereur Argyropile, permit aux fidèles d'enfermer les saints lieux dans un monument nouveau. Mais comme à l'époque du règne de Hakem, les chrétiens de Jérusalem n'étaient ni assez riches, ni assez habiles pour bâtir l'édifice qui couvre aujourd'hui le calvaire. Note. On prétend que Marie, femme de Hakem et mère du nouveau calife, en fit les frais, et qu'elle fut aidée dans cette pieuse entreprise par Constantin Monomaque. Fin de la note. Comme, malgré un passage très suspect de Guillaume de Tyre, rien n'indique que les croisés aient fait construire à Jérusalem une église du Saint-Sépulcre, il est probable que l'église fondée par Constantin a toujours subsisté telle qu'elle est, du moins quant aux murailles du bâtiment. La seule inspection de l'architecture de ce bâtiment suffirait pour démontrer la vérité de ce que j'avance. Les croisés s'étant emparés de Jérusalem, le 15 juillet 1099, arrachèrent le tombeau de Jésus-Christ des mains des infidèles. Il demeura 88 ans sous la puissance des successeurs de Godefroy de Bouillon. Lorsque Jérusalem retomba sous le joug musulman, les Syriens rachetèrent à prix d'or l'église du Saint-Sépulcre, et des moines vinrent défendre avec leurs prières des lieux inutilement confiés aux armes des rois. C'est ainsi qu'à travers 1000 révolutions la foi des premiers chrétiens nous avait conservé un temple qu'il était donné à notre siècle de voir périr. Les premiers voyageurs étaient bien heureux. Ils n'étaient point obligés d'entrer dans toutes ces critiques. Premièrement, parce qu'ils trouvaient dans leur lecteur la religion qui ne dispute jamais avec la vérité. Secondement, parce que tout le monde était persuadé que le seul moyen de voir un pays tel qu'il est, c'est de le voir avec ses traditions et ses souvenirs. C'est en effet la Bible et l'Évangile à la main que l'on doit parcourir la Terre Sainte. Si l'on veut y porter un esprit de contention et de chicane, La Judée ne vaut pas la peine qu'on l'aille chercher si loin. Que dirait-on d'un homme qui, parcourant la Grèce et l'Italie, ne s'occuperait qu'à contredire Homère et Virgile? Voilà pourtant comme on voyage aujourd'hui, effet sensible de notre amour-propre, qui veut nous faire passer pour habiles en nous rendant dédaigneux. Les lecteurs chrétiens demanderont peut-être à présent quels furent les sentiments que j'éprouvais en entrant dans ce lieu redoutable. Je ne puis réellement le dire. Tant de choses se présentaient à la fois à mon esprit que je ne m'arrêtais à aucune idée particulière. Je restai près d'une demi-heure à genoux dans la petite chambre du Saint-Sépulcre, les regards attachés sur la pierre sans pouvoir les en arracher. L'un des deux religieux qui me conduisait demeurait prosterné auprès de moi, le front sur le marbre. L'autre, l'évangile à la main, me lisait à la lueur des lampes les passages relatifs au Saint Tombeau. Entre chaque verset, il récitait une prière. Tout ce que je puis assurer, c'est qu'à la vue de ce sépulcre triomphant, je ne sentis que ma faiblesse. Et, quand mon guide s'écria avec Saint Paul, d'après Osée 13, 14, ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Je prêtai l'oreille, comme si la mort allait répondre qu'elle était vaincue et enchaînée dans ce monument. Nous parcourûmes les stations jusqu'au sommet du calvaire. Où trouver dans l'Antiquité rien d'aussi touchant, rien d'aussi merveilleux que les dernières scènes de l'Évangile? Ce ne sont point ici les aventures bizarres d'une divinité étrangère à l'humanité. C'est l'histoire la plus pathétique, histoire qui non seulement fait couler des larmes par sa beauté, mais dont les conséquences, appliquées à l'univers, ont changé la face de la Terre. Je venais de visiter les monuments de la Grèce, et j'étais encore tout rempli de leur grandeur, mais qu'ils avaient été loin de m'inspirer ce que j'éprouvais à la vue des lieux saints. L'église du Saint-Sépulcre, composée de plusieurs églises, bâtie sur un terrain inégal, éclairée par une multitude de lampes, est singulièrement mystérieuse. Il y règne une obscurité favorable à la piété et au recueillement de l'âme. Les prêtres chrétiens des différentes sectes habitent les différentes parties de l'édifice. Du haut des arcades, où ils se sont nichés comme des colombes, du fond des chapelles et des souterrains, ils font entendre leurs cantiques à toutes les heures du jour et de la nuit. L'ordre du religieux latin, les cymbales du prêtre abyssin, la voix du calloyer grec, la prière du solitaire arménien, l'espèce de plainte du moine copte frappe tour à tour ou tout à la fois votre oreille. Tous ne savaient d'où partent ces concerts. Vous respirez l'odeur de l'encens sans apercevoir la main qui le brûle. Seulement vous voyez passer, s'enfoncer derrière des colonnes, se perdre dans l'ombre du temple, le pontife qui va célébrer les plus redoutables mystères aux lieux mêmes où ils se sont accomplis. Je ne sortis point de l'enceinte sacrée sans m'arrêter au monument de Godefroy et de Baudouin. Ils font face à la porte de l'église, et sont appuyés contre le mur du chœur. Je saluai les cendres de ces rois chevaliers qui méritèrent de reposer près du grand sépulcre qu'ils avaient délivré. Ces cendres sont des cendres françaises, et les seules qui soient ensevelies à l'ombre du tombeau de Jésus-Christ. Quel titre d'honneur pour ma patrie! Je retournai au couvent à 11 heures, et j'en sortis de nouveau à midi pour suivre la voie douloureuse. On appelle ainsi le chemin que parcourut le Sauveur du monde en se rendant de la maison de Pilate au calvaire. La maison de Pilate est une ruine d'où l'on découvre le vaste emplacement du temple de Salomon et la mosquée bâtie sur cet emplacement. Note. Le gouverneur de Jérusalem demeurait autrefois dans cette maison. Mais on n'y loge plus que ses chevaux parmi des débris. Fin de la note. Jésus-Christ ayant été battu de verges, couronné d'épines, et revêtu d'une casaque de pourpre, fut présenté aux Juifs par Pilate, Ecce homo, s'écria le juge, et l'on voit encore la fenêtre d'où il prononça ces paroles mémorables. Selon la tradition latine à Jérusalem, la couronne de Jésus-Christ fut prise sur l'arbre épineux, Lycium spinosum, mais le savant botaniste Asselkist croit qu'on employa pour cette couronne le napka des Arabes. La raison qu'il en donne mérite d'être rapportée. Il y a toute apparence, dit l'auteur, que le napka fournit la couronne que l'on mit sur la tête de notre Seigneur. Il est commun dans l'Orient. On ne pouvait choisir une plante plus propre à cet usage, car elle est armée de piquants. Ses branches sont souples et pliantes, et sa feuille est d'un vert foncé comme celle du lierre. Peut-être les ennemis de Jésus-Christ choisirent-ils, pour ajouter l'insulte au châtiment, une plante approchant de celle dont on se servait pour couronner les empereurs et les généraux d'armée. Une autre tradition conserve à Jérusalem la sentence prononcée par Pilate contre le Sauveur du monde, conduisez au lieu ordinaire du supplice et attaché à la croix, avec l'appareil ridicule de la majesté royale, une couronne, entre deux larrons. Jésus de Nazareth, convaincu par le témoignage des principaux de sa nation, d'avoir soulevé le peuple, d'avoir méprisé César et de s'être faussement dit le Messie. Va, lecteur, prépare les croix. À 120 pas de l'arc de Lecce homo on me montrera, à gauche, les ruines d'une église consacrée autrefois à Notre-Dame des Douleurs. Ce fut dans cet endroit que Marie, chassée d'abord par les gardes, rencontra son fils chargé de la croix. Ce fait n'est point rapporté dans les évangiles, mais il est cru généralement, sur l'autorité de saint Boniface et de saint Anselme. Saint Boniface dit que la Vierge tomba comme demi-morte, et qu'elle ne put prononcer un seul mot, « Nec verbum dicere potuit ». Saint Anselme assure que le Christ la salua par ces mots, « Salve, Mater ». Comme on retrouve Marie au pied de la croix, Jean, ce récit des pères n'a rien que de très probable. La foi ne s'oppose point à ces traditions, elle montre à quel point la merveilleuse et sublime histoire de la Passion s'est gravée dans la mémoire des hommes. 18 siècles écoulés, des persécutions sans fin, des révolutions éternelles, des ruines toujours croissantes, n'ont pu effacer ou cacher la trace d'une mère qui vint pleurer sur son fils. 50 pas plus loin nous trouvâmes l'endroit où Simon le Cyrénéen aida Jésus-Christ à porter sa croix. Comme il le menait à la mort, ils prirent un homme de Cyrène, appelé Simon, qui revenait des champs, et le chargèrent de la croix, la lui faisant porter après Jésus. Luc. Ici le chemin qui se dirigeait est, et ouest, fait un coude, et tourne au nord. Je vis à main droite le lieu où se tenait Lazare le pauvre, et en face, de l'autre côté de la rue, la maison du mauvais riche. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin, et qui se traitait magnifiquement tous les jours. Il y avait aussi un pauvre appelé Lazare, tout couvert d'ulcères, couché à sa porte, qui eût bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais personne ne lui en donnait, et les chiens venaient lui lécher ses plaies. Or, il arriva que le pauvre mourut, et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et eut l'enfer pour sépulcre. Luc 16, 19 à 31. Saint Chrysostome, Saint Ambroise et Saint Cyril ont cru que l'histoire du Lazare et du mauvais riche n'était point une simple parabole, mais un fait réel et connu. Les Juifs même nous ont conservé le nom du mauvais riche, qu'ils appellent Nabal. Après avoir passé la maison du mauvais riche, on tourne à droite et l'on reprend la direction du couchant. À l'entrée de cette rue qui monte au calvaire, le Christ rencontra les saintes femmes qui pleuraient. Or, il était suivi d'une grande multitude de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et qui le pleuraient. Mais Jésus, se tournant vers elles, leur dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. » Saint Luc. À 110 pas de là, on montre l'emplacement de la maison de Véronique, et le lieu où cette pieuse femme essuya le visage du Sauveur. Le premier nom de cette femme était Bérénice. Il fut changé dans la suite en celui de Vera Icône, vraie image, par la transposition de deux lettres. En outre, la transmutation du B en V est très fréquente dans les langues anciennes. Après avoir fait une centaine de pas, on trouve la porte judiciaire. C'était la porte par où sortaient les criminels qu'on exécutait sur le Golgotha. Le Golgotha, aujourd'hui renfermé dans la nouvelle cité, était hors de l'enceinte de l'ancienne Jérusalem. De la porte judiciaire au du calvaire, on compte à peu près 200 pas. Là se termine la voie douloureuse qui peut avoir en tout 1000 de longueur. Nous avons vu que le calvaire est maintenant compris dans l'église du Saint-Sépulcre. Si ceux qui lisent la Passion dans l'Évangile sont frappés d'une sainte tristesse et d'une admiration profonde, qu'est-ce donc que d'en suivre les scènes au pied de la montagne de Sion, à la vue du temple, et dans les murs même de Jérusalem? Après la description de la voie douloureuse de l'église du Saint-Sépulcre, je ne dirai qu'un mot des autres lieux de dévotion que l'on trouve dans l'enceinte de la ville. Je me contenterai de les nommer dans l'ordre où je les ai parcourus pendant mon séjour à Jérusalem. 1. La maison d'Anne le Pontife près de la porte de David, au pied du mont Sion, en dedans du mur de la ville. Les Arméniens possèdent l'église bâtie sur les ruines de cette maison. 2. Le lieu de l'apparition du Sauveur à Marie-Madeleine, Marie-Mère de Jacques, et Marie-Salomé, entre le château et la porte du mont Sion. 3. La maison de Simon le Pharisien. Madeleine y confessa ses erreurs. C'est une église totalement ruinée à l'orient de la ville. 4. Le monastère de Sainte-Anne, mère de la Sainte Vierge, et la grotte de la Conception Immaculée, sous l'église du monastère. Ce monastère est converti en mosquée, mais on y entre pour quelques médins. Sous les rois chrétiens, il était habité par des religieuses. Il n'est pas loin de la maison de Simon. 5. La prison de Saint-Pierre, près du calvaire. Ce sont de vieilles murailles où l'on montre des grands ponts de fer. 6. La maison de Zébédée, assez près de la prison de Saint-Pierre, grande église qui appartient au patriarche grec. 7. La maison de Marie, mère de Jean-Marc, où Saint-Pierre se retira lorsqu'il eut été délivré par l'ange. C'est une église desservie par les Syriens. 8. Le lieu du martyr de Saint-Jacques le Majeur. C'est le couvent des Arméniens. L'église en est fort riche et fort élégante. Je parlerai bientôt du patriarche arménien. Le lecteur a maintenant sous les yeux le tableau complet des monuments chrétiens dans Jérusalem.